Moisi aleki kitoko lokola kolete chomba. Maintenant c'est la plus belle que je trouve. Vraiment na bonza ni basi nyoso na lula. Kovo la bonza. Clemence Stone, baron ba yako bete la ngandako. Ba evite ke ngana evi mongongo na yo. Na mensala be na lole mona yo ya chocolat. Bah, confirmant ma titre, quoi. Clemenceau le reverra ma quitte à de ripa. Si ma douille. A ta koutou liwaya bamanda, somoye. Et si la kano kite ni misa, Clement, na salayo. Stone, qui pour ma kaya na deps, ni paps. Bonio lingi koku nanga na cimetière. Clement ya bamboye paito mweza la kate. Lolo Belo Kula Stone, Wipina Moleka, Mado Moleka. Bolingo na biso yeba kiko tambola klema. Lelo eko mi mama mbona nini. Misle matanda vya kolo kusa tezo chango. Mare Claire Kane Bomonia, Eza Tatati, Le Chuchu, Le Chocolat. Bolingo na biso yeba kiko tambola. Lelo eko mi na chaise roulante mama. Accident passé à corrompre tout ce qu'il a yangonyoka. Patricia Masamba. Papa Gansebo. Papi et Konzo, si ma maman vient à mon tibra. Commandant Raoussa, Christophe Manoumou. Adolphe Dominguez, Oya Kusha, Papa Nadana Melina, Washington Bounty, souviens-toi quoi. Ah, on va le vivre à une news, ma soupe la piste. Si vous voulez, maman, ma casse. Clément Stone, papa, la chaîne des mains. Et au sali porte bonheur et à mamie. L'atmosphère. Ata koutou, monsieur, ma bena, nina. Basale la yango koutou, parfait na parie. Bape sa yango kombo nina Richi. Yabonga mami na pesi o kombo Clema Richi. Ozali lokola Victor Newman. Ozali lokola Harrison Ford. Yonde finale ya Bajoe. Ozali pote ya papa o ya Botanga. Clema Stone ami ya Robera. Clema Stone. Bosangana, maswa na bino ya moyo, ma pasteur d'amba boyoka bokasa kana za kwadure ye nzoka za bolingo stone kanga makasi klema yote ozali ndoyi ya papa leki ya tata ye yote ozali ya mia na zundo mbasi naboyi bapardo na bango ya tarashika ye nakumisaka na nga makoma bote nalingaka na nga yesu kristu mwana mama bote nalingaka na nga simokimbangu bote nalingaka na nga marite magdala bote nalingaka na nga balimi nyonso nzambe denilesi paster konde yebi soki mbisi nyonselanaka maye kotiola ye mbele nzombona ngolo batika potopoto anga na lelire tata monvie papa na nga kuta koyoka nzembo oyo mokubwa wa wina ye binango na mama oyo olingaka bino nyonso bobinawa soki pascal pomba azalaki moteki buba osawa pie bamama sande bosawa pie bagarsa brisele bosawa pili na bamama kambela bagarsa holande bosawa pili bamama ya suise bosawa pili batalaka moteki buba na monoko te kote aliaka ngo ya ofele I don't know.